بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. Ça fait maintenant plusieurs jours que je me suis retiré un peu de Facebook et je suis en train de réfléchir. Je retourne sans une question dans ma tête suite à plusieurs discussions que j'ai eues avec un frère très sincère en islam. Que j'apprécie vraiment. On a traité de nombreux sujets très profonds concernant Internet et l'utilisation, par exemple, de Facebook de la part des frères et sœurs en islam. Et il m'a touché sur plusieurs points. Je lui ai donné raison sur beaucoup d'arguments qu'il a avancés. Et je me suis profondément remis en question, et du coup je suis en train de remettre en question notre démarche à travers Internet et Facebook concernant l'islam, concernant la da'wa. Est-ce que c'est réellement efficace ou pas? Est-ce qu'il y a plus de bien que de mal? Est-ce que Allah Azzawajal est satisfait de nous par rapport à notre cheminement, par rapport aux journées qu'on passe devant le virtuel? Est-ce qu'on fait réellement des progrès en science islamique et sur notre propre nefs, entraînant 24 heures sur 24 sur Facebook ou sur d'autres sites islamiques? Je ne suis pas certain. Voire maintenant, je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Au contraire, moi, ça fait 5 ans que je suis revenu à l'islam. Avant de me mettre sur Facebook, ce qui est très récent, c'est ça fait à peine 6 mois que je me suis mis à Facebook. Avant, je n'y étais jamais, je ne connaissais même pas. Enfin, j'avais pas de compte, en tout cas, je connaissais, mais j'avais pas de compte. J'ai passé 4 ans et demi avant de me mettre sur Facebook à faire mes recherches sur Internet, en achetant des livres, en écoutant des conférences, en étudiant beaucoup de sujets, et j'ai traité des centaines de thèmes extrêmement complexes et profonds. J'ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres qui dépassent tous 250 pages, 300 pages. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai vraiment évolué sur beaucoup de points, notamment ma maturité, ma responsabilité, mon caractère, ma conviction religieuse, ma science, ma force mentale. Enfin bref, en résumé, je suis pas en train de me vanter ou je suis pas en train de me jeter des fleurs. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça. Et durant ces 4 ans et demi, j'ai énormément appris, j'ai carrément changé de personnalité, j'ai changé de caractère, j'ai tourné la page avec mon ancienne vie, avec mes anciens amis, avec beaucoup de choses. J'ai fait des concessions par rapport à mon métier et j'ai abandonné plusieurs métiers pour me rapprocher d'un travail qui correspond à la vision islamique, un travail halal, entre guillemets. J'ai fait beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions, et je n'ai cessé durant ces 4 ans et demi de progresser. Et tout ça grâce aux livres, grâce aux savants, grâce aux conférences, grâce à la méditation, grâce à la lecture, grâce au dépassement de soi, et grâce à une compréhension de plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Mais malheureusement, depuis 6 mois, depuis que je me suis mis sur Facebook, c'est tout le contraire qui m'arrive. C'est-à-dire que j'ai énormément stagné par rapport à mon apprentissage, par rapport à ma science. Je ne lis quasiment plus de livres. J'ai du mal à passer 1h30, 2 heures devant une conférence. Je n'ai pas progressé dans mon dîn, je n'ai pas progressé dans ma foi, dans ma pratique, voire j'ai même reculé. Il y a un certain nombre de choses auxquelles je me suis complètement écarté et qui sont obligatoires en islam, comme garder un lien avec la famille, s'occuper, je sais pas, de sa femme ou de son mari, et enfin bref, des tonnes de choses. Et j'ai constaté, j'en suis arrivé à la conclusion, que Facebook, c'était un outil extrêmement dangereux qui nous faisait perdre beaucoup de temps en nous submergeant de milliers d'informations dans la journée. C'est plus de l'actualité que de la véritable science utile aux musulmans. Ce n'est pas du tout ça, c'est de l'actualité, c'est des informations en général de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Enfin, il y a beaucoup de ça, beaucoup de choses qui se répètent. En plus, un autre danger, c'est que on tombe dans une espèce de chaque personne qui est sur Facebook commence à s'idolâtrer soi-même, commence à aimer sa personne, commence à avoir envie d'être connu, d'avoir des amis, d'avoir des j'aime, d'être apprécié. Et toutes les publications qui sont postées, ou même parfois les commentaires, c'est dans une intention ostentatoire pour plaire aux créatures et non aux créateurs. Tout ce qui est fait sur Facebook, en réalité, quand on creuse bien, 90% de notre temps passé sur Facebook n'est pas profitable, voire est très néfaste pour nous, musulmans. Donc je souhaitais mettre en garde par rapport à tout ça. Je souhaitais passer un message par rapport à nos frères et à nos sœurs en islam, en leur demandant de prendre du recul un peu avec Facebook, de consacrer maximum 3 quarts d'heure dans la journée, 1 demi-heure, 3 quarts d'heure, c'est amplement suffisant. Et à côté de ça, de revenir vers l'apprentissage de la science, vers le Coran, la Sunna, vers les centaines, les milliers de savants, vers les livres. Il faut absolument que durant les 3, 4 prochaines années qui arrivent, que vous progressiez dans la langue arabe. Il faut que tous on apprenne la langue arabe. Il faut que tous on apprenne les bases de la jurisprudence islamique. Il faut que tous on travaille sur notre propre nefs. Il faut que tous on lise des livres qui nous permettent d'éduquer correctement nos enfants, de nous entendre correctement avec notre femme, avec notre mari, ou notre future femme, ou notre futur mari. Il y a des livres pour ça, il y a des livres consacrés au couple. Il y a de centaines de pages, beaucoup de livres. Il y a des livres qui sont consacrés à l'éducation des enfants. Il y a des livres qui sont consacrés à la patience. Il y a des livres qui sont consacrés à l'orgueil, à la prétention, au vice du shaitan, à tout, en fait. Il faut absolument que nous tombions pas dans le piège de traiter les choses en superficialité et au final de pas réellement les comprendre. Comme disait mon frère avec lequel j'ai parlé, en fait on est tombé dans une espèce de superficialité, c'est-à-dire qu'on parle de tawhid mais on sait pas réellement ce que c'est le tawhid, que ce soit dans son essence théorique mais également pratique. On parle d'alliance et de désaveu, mais on ne sait pas réellement ce que c'est l'alliance et le désaveu. On parle de mariage, on veut se marier, on veut trouver une femme et on veut trouver un homme, mais on a encore toutes nos habitudes de célibataire, on a encore nos mauvais caractères, on est encore très rebelle, très individualiste, très calculateur, très, très intéressé. On a encore beaucoup de démons en nous, notre nefs, où notre caractère est limite invivable, alors que on devrait tout le contraire en tant que musulman, on devrait être des gens qui sont patients devant l'épreuve, des gens qui sont très calmes, très posés, très modérés, très doux, très satisfaits. Enfin, voilà. Et il faut absolument qu'on traite les choses en profondeur, qu'on les intègre, qu'on intègre les dizaines et les centaines de sciences utiles. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on retienne les noms des savants, il faut qu'on retienne les références, il faut qu'on retienne les livres, il faut qu'on retienne les hadiths par cœur, il faut qu'on retienne le Coran par cœur, il faut qu'on apprenne l'arabe, il faut qu'on revienne vers un Coran, vers le Coran et vers un islam authentique, il faut qu'on s'améliore dans notre pratique, il faut qu'on se réveille pour faire la prière au Fajr, il faut qu'on se réveille un tiers de la nuit, il faut qu'on fasse nos invocations le matin et le soir, il faut qu'on suive la sunna, il faut qu'on demande pardon à Allah Azzawajal plus de 100 fois par jour, comme le faisait le prophète alayhi salatu salam. Il faut qu'on se repentisse, il faut qu'on s'améliore. On a besoin dans cette oumma de savants, et la future génération et les jeunes qui arrivent, vous devez absolument vous armer de sciences profondes que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Il faut absolument que vous parliez l'arabe. Et je parle de moi aussi. Il faut absolument qu'on soit efficace dans notre apprentissage. Parce que ce que je vois sur Facebook, ça commence à m'ennuyer sévèrement. Ça commence à devenir quelque chose de négatif au lieu d'être quelque chose de positif. Il y a beaucoup de fitna, beaucoup de guerres de clans, beaucoup de guerres d'ego, énormément de polémiques, énormément d'ignorance, énormément de groupes, énormément de culte de la personnalité. Et ceci n'est pas convenable. Ça ne correspond pas à ce que doivent être les musulmans qui sont censés être la meilleure des communautés. Donc les gens qui disposent de plus de science, de plus de savoir, de plus de connaissances, de sagesse, de douceur, de respect, même dans la critique, même dans le conseil, les gens ne savent pas parler, ils deviennent rapidement agressifs, ils parlent sans science, ils sont dans... Enfin bref, il y a une liste interminable de choses néfastes, et je vous avoue que moi je me suis trompé, j'ai espéré. Je pensais que c'était possible. Je pensais que il y avait des gens de qualité en majorité dans la Oumma, ici en France, en Belgique, en Europe. Mais en réalité, on est très très loin de ça. On manque de représentants qui parlent d'islam authentique avec science. On manque dans la Oumma, dans la communauté, d'une jeunesse qui maîtrise également la science. On manque de bon comportement. On manque de beaucoup de choses. Et je souhaitais vous mettre en garde par rapport à tout ça. Je souhaitais vous mettre en garde par rapport à Facebook qui commence à vraiment devenir très néfaste. Donc voilà, je voulais traiter de plein de sujets, mais Inch'Allah, j'essaierai de rentrer dans les détails, ou si j'ai oublié des éléments, je referai une audio, Inch'Allah, pour pouvoir les développer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous demande par pitié de propager cet audio, pas par ostentation, pas parce que je veux qu'il y ait un nombre extraordinaire de gens qui l'écoutent, tout simplement pour le bien de la Ummah, pour élever la parole d'Allah Azawajal, pour renforcer la communauté musulmane, pour me renforcer moi-même et pour renforcer mes frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jalla nous éprouve pour mieux nous guider. Assalamu alaikum.